T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. Yeah, let's see. Une heure au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Planète Indie qui est de retour dans vos oreilles. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 7 mars, respectivement le dimanche 10 mars. 8 mars, si vous nous écoutez en rediffusion, évidemment. Comme chaque premier samedi du mois, eh bien, nous sommes en direct avec vous sur les ondes de RGL pour vous proposer le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. C'est l'épisode d'aujourd'hui 418 de votre émission de découverte Planète Indie. On a pas mal de choses dont on doit parler aujourd'hui. La musique, évidemment. On a une belle programmation avec pas mal de belles choses, vous verrez bien. Un power play inédit et un peu inhabituel en ce qui concerne le style musical, vous verrez. On parlera bande dessinée, comme chaque mois. Bande dessinée un peu spéciale aussi aujourd'hui, vous verrez bien. Et puis, je vous ferai un petit débriefing de mon séjour à Angoulême dans le cadre du festival de la bande dessinée. Je vous ai ramené des interviews. Enfin, on en écoutera notamment deux aujourd'hui. Et puis, on parlera aussi un petit peu du festival du film de la ville de Luxembourg, le Lux Film Fest, puisqu'il a débuté. Il a débuté jeudi. C'est la cérémonie d'ouverture jeudi. Et les premières projections grand public, eh bien, c'était hier et puis aujourd'hui, et ça continue jusqu'à dimanche prochain. Donc, place tout de suite à la musique, avec un groupe qu'on a découvert, eh bien, le mois dernier, avec leur tout nouveau single. Ça s'appelle The Book of Fire, ça c'est le nom du single, et le groupe, c'est le groupe Mono Inc. Restez bien sur cette bonne fréquence, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Allez, place à Mono Inc. et The Book of Fire. Desire. Riches and karma, potions and rage, instructions to fortune or harm. Now everything is wasted, the gardens and the hills, and we're deaf, dumb and blind ever since. All our race had ever learned about life. A legend told, tameless old, lost within the night. All the magic dead and all the wisdom we desire. There was thunder and light, there was rain in all night, but it burned with a book of fire. We'll be right back. Natural Science, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Carrington McDuffie, and you are listening to Planet Indie. Hey, this is Dust from Psychopathic Romantics, and you're listening to Planet Indie. All right, we'll continue now with another song from our new album called Lies and Butterflies, a song called Something to Believe In. enregistré en public en Pologne, à Poznan, pour être tout à fait précis. Cet extrait de donc cet album Live in Poznan du groupe Mystery, qui est un groupe canadien de rock progressif, comme eh bien, vous avez pu vous en rendre compte et que vous connaissez très certainement maintenant si vous nous êtes fidèles, parce qu'on les écoute assez régulièrement. Avant cela, on a commencé avec un autre groupe de rock progressif, le groupe Mono Inc., qui nous interprétait leur nouveau single, The Book of Fire. Le mois dernier, fin janvier, début février, je me suis rendu à Angoulême, puisque depuis à peu près un an maintenant, nous avons une petite rubrique bande dessinée dans Planet Indie. Et ça s'est très bien passé. On commençait à l'époque à parler du coronavirus, parce que c'est vrai, je me souviens, j'avais encore notamment été invité par le Hong Kong Art Center pour une petite manifestation, et on commençait tout doucement à se poser des questions. Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais pas y aller? Bon, finalement, ça s'est très bien passé. Je suis revenu clean, sans virus. On verra pour la suite, hein, mais... Bref, bon, c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, en tout cas à l'instant. J'ai été aussi notamment invité à un cocktail de lancement de Kuro Tsume. Je ne connaissais pas du tout. Alors, j'arrive là dans la salle, je me présente, voilà, Pierre-Charles Panitindi, petite émission radio indépendante. Vous connaissez certainement pas, on est basé à Luxembourg. Et puis la personne qui était en face de moi, ça c'est marrant, nous aussi on est de Luxembourg. Donc c'était assez amusant, il fallait que j'aille à Angoulême pour rencontrer les gens de Tsume Art. En fait, au départ, c'est une société qui crée des figurines de mangas. C'est assez, ils sont basés à Zandweiler, au Luxembourg, et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer différentes personnes de la société. Et je vous ai ramené une petite interview de Cyril Marchiol, donc qui est le fondateur de la société Tsume Art. Et puis, ils étaient à Angoulême pour lancer leur partenariat avec Kuro pour se lancer dans l'édition de manga. Et bien, je vous propose de l'écouter tout de suite, Cyril Marchiol, donc le fondateur de Tsume Art. Qui êtes-vous et que faites-vous ici à Angoulême? Donc, je m'appelle Cyril Marchiol et je suis ici à Angoulême pour présenter deux mangas. Donc, il faut savoir qu'on a créé Tsume en 2010 à Luxembourg. Et du coup, là, on est là pour le nouveau step, à savoir deux nouvelles mangas en création. Et c'est la première fois que vous êtes ici à Angoulême au festival? Alors, on est déjà venu l'année dernière pour filer un coup de main pour faire des statues, parce qu'on est connu pour ça à la base. Et donc, du coup, là, c'est l'opportunité pour nous de revenir, mais cette fois-ci pour montrer nos propres créations. Ouais. Donc, vous êtes une société essentiellement basée sur la création de figurines, c'est ça? Voilà, on est assez connu, même mondialement parlant, sur nos créations, puisqu'on fait des trucs assez ambitieux, des produits qui varient entre 500 et 1500 euros, et c'est des produits qui sont vus comme des œuvres d'art, donc on diffuse un petit peu partout dans le monde entier. Et vous êtes basé à Luxembourg, et est-ce qu'on vous retrouve vos productions à Luxembourg ça? Alors oui, en fait on a un site internet, on vend sur précommande, donc du coup on a beaucoup de gens qui nous suivent. C'est vrai que ce milieu il a tendance à grossir. Alors oui, on a un petit peu partout, on est à plein d'endroits, on est chez Saturn, on est chez, enfin voilà, on est placé un petit peu partout, mais c'est vrai que c'est un marché qui est sous-estimé. En fait, il y a pas mal de collectionneurs. On est capable de passer des quantités genre 2000, 3000 exemplaires quand même sur des statues dans les 1000 euros. Donc ouais, il y a un vrai marché au-delà de l'aspect artistique et passion. Il y a vraiment, c'est vraiment un business qui est en train de monter. Et la production elle-même est faite aussi à Luxembourg? Alors, toute la conception, on a une équipe quand même de 55 personnes à Luxembourg, une belle équipe. Et donc ouais, on pense tous les projets qui sont extrêmement complexes, même en termes d'ingénierie. Donc on a des peintres, on a des mouleurs, on a des sculpteurs, on a des ingénieurs, on a toute une équipe sur place. Et donc après, on a une équipe qui va là-bas en Chine pour que ça se déploie là-bas, etc. Quoi. Ben voilà, donc je suis venu à Angoulême pour découvrir une société luxembourgeoise. Voilà. Et ouais, c'est top. Et bah oui, bonne continuation. Merci beaucoup. On se revoit peut-être. Avec grand plaisir. Merci. Voilà, Cyril Marchiol, donc le directeur, le président, le fondateur de Tsume. Je vous donne leur site internet, c'est www.tsume-art.com si bien vous voulez en savoir un peu plus et aller voir notamment ce qu'ils font en termes notamment de statuettes. N'hésitez pas à aller voir, et puis probablement qu'on en reparlera peut-être au cours d'une prochaine émission, parce qu'ils ont eu la gentillesse de m'inviter à aller leur rendre visite là où ils sont basés à Zandweiler. Donc je vais essayer un jour ou l'autre de trouver le temps et puis d'aller faire pourquoi pas un petit reportage plus approfondi sur Tsume, donc cette société luxembourgeoise que j'ai rencontrée Angoulême. Une autre interview, ce sera pour un peu plus tard, dans un style complètement différent. Vous verrez, on en reparlera plus tard. En ce qui nous concerne, eh bien, on retourne à la musique. On va bientôt passer à la découverte de notre album Powerplay. Avant cela, je vous propose d'écouter un extrait de l'album de Shift It Baby. L'album s'intitule Cool Change et nous, on écoute une reprise du morceau Smoke on the Water. I came down to Montrose on the Lake Geneva shoreline to cut a record with a mobile. We didn't have much time. Frank Zappa and the Mothers had the best place around, but some stupid with a blowgun burn the place to the ground. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. They burned down the gambling house. It died with an awful sound while Funky Claude was running in and out, pulling kids out of the ground. When it all was over, we had to find another place. I said Swiss time was running out. Thought that we would lose the brain. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. Hotel, it was empty, cold and bare, with our rolling trucks don't sing outside. We made our music there with a few red lights and a few old beds. We found a place to rest. I say no matter, no matter, no matter what we get from this, no, we'll never forget. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. Ooh, ooh. Well, smoke on the water, fire in the sky. Ooh. Oh, yeah. Smoke on the water. Voilà, il s'appelle Shift It Baby, il nous reprenait. Oui, ça c'est le morceau suivant, il faut l'arrêter. Voilà, il nous reprenait donc le morceau Smoke on the Water, et si je ne m'abuse, c'était de Deep Purple. 17h28, et eh bien il est grand temps de partir à la découverte de notre album Powerplay. Je vous avais dit que c'était un peu un peu inattendu comme style musical. C'est un style musical qu'on a appelé, en tout cas c'est Clara Engel qui dit cela, c'est d'ailleurs d'elle qu'il s'agit aujourd'hui. Clara Engel, qui est une musicienne indépendante basée à Toronto, elle est musicienne, elle écrit, elle compose aussi ses chansons, aussi bien les textes que la musique. Elle est aussi artiste visuelle et graphique. Et donc elle disait que sa musique a été décrite comme du folk noir ou alors du blues sacré minimaliste d'une autre galaxie, je ne l'invente pas, ou encore comme de la poésie chantée. Elle a collaboré avec des musiciens et des artistes de pas mal d'endroits, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, du Brésil, du Canada, de Turquie, d'Iran et bien sûr aussi des États-Unis. Sa musique a bien été jouée notamment et diffusée sur les ondes de la radio nationale italienne, ainsi que notamment en Angleterre sur BBC Two dans la fameuse émission BBC Introducing de notre confrère Tom Robinson. C'est certaines de ses influences, eh bien, elle cite Gillian Welch, Anoni, Amalia Rodriguez, Jacques Brel, Meredith Monk, Robert Johnson, Jim Jarmusch, Arvo Pärt ou encore Theodor Rotschke et en poésie Virginia Woolf. Eh bien, je vous propose d'en écouter un premier extrait tout de suite. Je vous rappelle donc le nom de son tout nouvel album. Il s'intitule Where a City Once Drowned, sous-titré The Bethlehem Tapes Volume 2. Il est court, hein, cet album, il y a seulement 6 morceaux. Eh bien, nous, on va écouter la plage numéro 5 qui s'appelle Metamorphoses. Elle s'appelle Clara Engel. Et c'est notre power play aujourd'hui dans Planète Indie. Power play. Power play. Thank you. Prévenu hein, que c'était du minimaliste. C'est du minimaliste Holy Blues from Another Galaxy. Je vous rappelle son nom, elle s'appelle Clara Engel. C'est extrait de son album Where a City Once Drawn. Et c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Si vous le voulez bien, eh bien passons à la programmation de notre partenaire de la Culture Fabrique pour ce mois de mars. Alors vendredi prochain, vendredi 13, si vous n'êtes pas superstitieux, eh bien vous pouvez assister à la release party du Parity EP. Avant cela, le mercredi 11, vous pourrez voir le groupe allemand Cadavar. Le samedi 14, ce sera Child X Maz. Et puis le samedi 28, le spectacle de Tarab. Samedi 25 avril, on peut déjà vous l'annoncer, pourquoi pas, ce sera le festival Out of the Crowd, si eh bien il n'y a pas de changement dans les programmations. Je parle de déplacement, annulation, pour quelque raison que ce soit. Le Whitechapel, c'est un groupe américain, ils se produiront le mercredi 22. Et puis des quichottes le vendredi 8 mai. Et ça nous amène déjà beaucoup plus loin. Voilà, toutes les infos sur culturefabrique.lu, bien entendu. On poursuit avec le Picture of Life, le morceau Picture of Life du groupe et Camouflage. We'll be right back. slowly. I just take my life slowly. Oh, oh, oh, oh. I be a star on the making. I just be baking my bacon. I'm gon' next to be mistaken. All of these homies be faking. Don't know what conversation. Get on me, dance while you shaking. If you want beef, say something. I'll keep going straight, stepping. They said I won't get any views. They said I won't be famous. They said I won't never be the news. Now, fuck you haters. They said I won't get any views. They said I won't be famous. This I'll never be the news. Now, fuck you haters. They're just talking down on me. They're just talking down on me. Oh, oh, oh, oh. I don't feel afraid, low-key. I don't feel afraid, low-key. No, no, no, no. They're just talking down on me. Pas en avance aujourd'hui, à l'instant c'était une nouveauté, je pense que c'est la première fois qu'on les écoute. Le groupe s'appelle Atlas et il nous interprétait le morceau Talking Down. Il est 17h45, on est vraiment à la moitié de l'émission, mais pas du tout à la moitié de la programmation. Alors, retour sur ma présence à Angoulême, puisque après avoir été invité au cocktail de lancement de l'association, enfin du oui, l'association, c'est pas une association puisqu'ils sont à but lucratif, mais l'association commerciale, on va dire, entre Kuro et Tsume. Eh bien, j'ai été invité aussi au petit déjeuner belge, comme l'année dernière, très sympa. Alors, j'ai rencontré là notamment Olivier Van Varenberg, on va l'écouter dans quelques secondes. Je voyais une drôle de boîte, une sorte de distributeur à canettes si vous voulez, mais pas vraiment à canettes, mais à l'intérieur il y avait des bouquins, des petits bouquins, et il s'est approché de moi, il m'a demandé vous voulez que je vous explique, alors j'ai dit oui. Alors il va nous proposer, va nous présenter directement le concept que lui et ses amis ont développé leur association, s'appelle Blowbooks, et son nom c'est Olivier Van Varenberg. Si vous pouvez juste vous présenter et dire ce que c'est cette machine qui est devant nous. Voilà, donc mon nom, je m'appelle Olivier Van Varenberg, et en fait on a développé le concept des Blowbooks avec quelques partenaires à Bruxelles. Le principe c'est de mettre des petits romans graphiques, petit format et surtout petit prix, dans des distributeurs automatiques pour proposer une nouvelle chaîne du livre. On est parti du constat, ça fait quelques années qu'on travaille sur ce concept-là. On est parti de l'idée que le livre aujourd'hui est trop cher. C'est un vrai acte d'achat. Pour avoir une BD de base, c'est une douzaine d'euros au minimum, c'est très cher. Et de plus en plus de gens ne vont pas directement en librairie. Donc il faut trouver d'autres solutions. Également pour les auteurs, où les droits d'auteur sont ce qu'ils sont, la précarité des auteurs étant ce qu'elle est. Donc on a trouvé ce système qui s'inspire de livres qui ont été faits dans les années 40 par un Hollandais qui s'appelait Alfred Mazur, qui pendant une période de pénurie de papier a utilisé des chutes de papier pour faire ses petits livres en petit format, qui font 11 sur 7 cm. Donc on est reparti de ce principe-là. La seule ligne éditoriale, c'est d'avoir une case par page, que ce soit très lisible, et ça donne chaque fois des petits romans graphiques de 200 à 250 pages qu'on met dans des distributeurs pour justement casser toutes les barrières socioculturelles qu'il y a entre un livre et le lecteur. Et donc avec ce système-là qu'on a lancé en septembre, on a aujourd'hui 3 distributeurs. L'idée, c'est de mettre ce genre de machine sur des quais de gare, dans des cafés, dans des salles d'attente, dans plein d'endroits où le livre n'est pas, et pour recréer un aspect un peu plus ludique par rapport au livre. On prend pas beaucoup de risques avec 5 euros, on peut presque l'acheter à l'aveugle, et l'idée, c'est qu'on se reconfronte à des images qu'on n'était pas spécialement habitué, où on n'était pas prêt, où on s'y attendait pas. Ce qui a fait la culture BD, notamment en Belgique et évidemment en France aussi, où pendant un demi-siècle, les images ont circulé pratiquement gratuitement. C'était dans les journaux, c'était dans les revues, c'était vraiment une culture populaire que tout le monde se partageait. Aujourd'hui, on est en train d'un peu casser ce principe-là, et on espère avec cette machine qu'on ait une sorte de chaîne non manquant dans la chaîne actuelle du livre. Je vois deux idées. Il y a un, des livres de très petite taille, voilà. Et deux, faire venir le livre au lecteur et pas à l'inverse. Le lecteur n'est plus obligé d'aller en librairie pour acheter un livre. En tout cas, on va jusqu'au lecteur. On n'attend pas qu'il se déplace jusqu'au livre, c'est le livre qui se déplace jusqu'au lecteur. Et on pense par exemple sur les quais de gare, entre un paquet de chips et une barre chocolatée, vous pourriez vous acheter de la culture. Vous avez 20 minutes, 30 minutes de parcours, vous pouvez garder le livre. Et comme il n'est pas cher, comme on défétichise l'objet, vous pouvez le mettre dans votre poche, vous pouvez l'oublier sur votre siège, vous pouvez le donner à quelqu'un d'autre. Et ça circule. Et on a besoin de cette circulation d'images qui a fait encore une fois notre culture. Et aujourd'hui, vu les prix, vu la chaîne du livre telle qu'elle est fabriquée aujourd'hui, on perd un petit peu cette libre circulation de l'image. Et pour l'instant, donc les distributeurs sont uniquement sur Bruxelles. Alors, on en a pris deux avec nous à Angoulême. Donc, il y en a un ici, il y en a un dans les bulles, il y en a un qui est fixe à Bruxelles. C'est une ancienne machine qui distribuait du savon qu'on a récupéré d'une laverie. Une machine qui pèse 200 kg qu'on ne bougera plus jamais. Mais ici, on a des modèles qui sont plus légers, qui font une sorte de 50aine de kilos. On met une centaine de livres dedans, c'est très mobile. Et on trouve maintenant, on cherche voilà, des partenaires pour placer des machines à gauche à droite. Le théâtre semble intéressé de prendre par exemple une machine ad vitam. Et quels sont les premiers retours après quelques semaines ou quelques mois de présence? Ah bah en tout cas, c'est très enthousiasmant parce qu'on voit qu'il y a un aspect ludique, une approche où on voit des gens prendre ces livres-là. Ils n'auraient jamais pris ces livres-là s'ils n'étaient pas distribués de cette manière-là. S'ils n'étaient pas à ce prix-là, avec ce format-là, dans ce type de distribution, des lecteurs n'auraient jamais vu ce bouquin. Je parle souvent du kinder culturel. Il y a un petit côté ludique. On met 5 euros, on reçoit quelque chose. On a vu des gamins prendre des livres, on a vu des vieilles personnes, on a vu des couples, des gens très très différents, de catégories socioculturelles très différentes. Et donc là, on a l'impression qu'on casse effectivement les barrières qui peuvent exister sur la chaîne du livre. Et pour nous, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Dernière question. Alors, si un auteur voulait participer à votre projet et vous proposer un livre, comment est-ce qu'il fait? Ah bah, il peut évidemment nous contacter. Donc on s'appelle Blowbook, donc il y a un site internet www.blowbook.eu, et dessus il y a tous les exemples, toutes les explications. Il peut évidemment nous contacter, et on connaît évidemment nous-mêmes beaucoup d'auteurs, donc on a déjà une dizaine de titres qui sont en route pour les mois et les années qui viennent. Mais évidemment, on est toujours demandeur de nouveaux projets. Tous les auteurs sont les bienvenus et ils toucheront 20% de droits d'auteur. Merci beaucoup et bon festival. Merci beaucoup, merci à vous. What's up, this is Farad and you're listening to a track from my new album The Time Is Now. Hi, this is Mike from A is for Adam, and you're listening to Planet Indie. Didn't want to talk about it. Why'd we have to talk about it? Whoa, whoa, driving time. Didn't want to fight about it. Why'd we have to fight about it? Whoa, driving time. Got it. fight about it. C'est le nouveau single de Papa Zatch, Driving Time. On va retourner, si vous le voulez bien, sur notre album Powerplay, puisque il faut qu'on avance, hein, parce qu'on n'est pas en avance de nouveau aujourd'hui. L'album Where a City Once Droned de l'artiste basé à Toronto, et Clara Engel. Donc je vous ai dit tout à l'heure que cet album, eh bien, était assez court, en tout cas en nombre de chansons, puisqu'il contient que 6 chansons. Les morceaux sont quand même assez longs, ils feront la plupart du temps 5 ou 6 minutes. Ce sont des chansons avec pas mal d'instrumentation. Il y a la voix, évidemment, il y a la guitare électrique, du violoncelle, de la guitalele, des synthés, du banjo, de l'électrique, du koto électrique, de la basse, de l'harmonium. Et les chansons, eh bien, s'inspirent de différents thèmes. Par exemple, les chiens qui courent à travers la nuit étoilée. Il y a une chanson aussi inspirée par la sorcière russe Baba Yaga. Il y a une chanson, eh bien, qui est une méditation sur le changement climatique et la profondeur du temps qui passe. Il y a une chanson sur les oies sauvages. Et puis, il y a une autre chanson, eh bien, qui est née dans l'esprit de Clara rien qu'en regardant le livre contenant les Polaroids de Tarkovsky. Ces chansons, eh bien, elle les considère comme un produit de son temps, et elle représente en même temps comment elle se sent en accord ou pas du tout d'ailleurs avec son temps. Elle a enregistré cet album à Bethlehem, c'est pour ça que le sous-titre s'appelle The Bethlehem Tips volume 2, puisque le volume 1 c'était son album précédent, le 4 décembre 2018, avec Taylor Galassi qui l'accompagnait au violoncelle. Je vous propose donc d'écouter un second extrait, il s'appelle cette fois-ci Mayfly Day, et puis je vous ai mis aussi sur notre groupe Facebook la vidéo de la première fois où Clara Engel a joué son morceau Métamorphosis, le morceau qu'on a écouté tout à l'heure. Donc vous allez sur Facebook, vous tapez Planet Indie et puis vous nous retrouverez. Et puis j'en profite aussi pour vous donner l'adresse de notre site internet, c'est www.ilovemusic.ga. Power play. Power play. Visit by the sea. What do I know about the rain of thorns, the tourniquet of bees? What do I know about the hurricane up your billowing sleeve? What do I know about baby blue eyes and fire Mayfly Day, mais en fait c'était Baba Yaga que je vous ai programmé. C'est pas grave, elle s'appelle Clara Engel, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, et on va profiter de la fin du morceau qui est très long. Vous passez en vue la programmation de la Rocale. Ce soir, vous pourrez voir Ellie James avec son spectacle Lumière. Demain, ce sera Ghost Eman, et vendredi 13, eh bien, le Video Clip Night en collaboration avec le Festival du Film de Luxembourg. Vendredi 13, ça se passera cette fois-ci au Rotonde, vous pouvez voir Kit Francescoli. Et puis le 13 encore, le release party de Ptolemea. 17 Pommes, le 18 de Grun Club Show, le 19 Boulevard Désert, le 20 le Décennie Tour de Gims, le 21 Party Like Gatsby, c'est le Cabaret Noir, 22 Scarlix Red, 24 la venue de Thérapie, le 25, Maluma, mais c'est complet. Le 27, le show de Loose and the Yakuza est annulé. Le 28, Kian Kojandi, c'est complet aussi. Le 29, Salvador Sobral. Le 1er avril, Dajou. Le 3, Claudio Capeo. Le 4, Pineway Shift, album release party. Et le 5, Bumblefoot Masterclass. Et puis le 4 avril, ce sera aussi la date de notre prochaine émission, donc notez-la bien, chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. On poursuit avec les Sunny Smile 3 et un morceau intitulé Difficult. What with the snakes, the tears, the insects and the voices and the scratching and the fears, the neighbors and the noises and the stairs, the cops, the sirens and the drugs and all the locks that hold my mind and my attention. It's getting difficult to care, difficult to dress, difficult to see, difficult to wait. I don't know the code that lets me through the door to what I think might be help. The plots of maybe paranoia or real or false. The hunger that may be just the drugs for me. My illness, failure, fate or fault is getting difficult to care, difficult to dress, difficult to see, difficult to wait. But where is me in all of this? Where is me in all of this? Where is me in all of this? to break. Il s'appelle The Sunny Smile 3 et le morceau s'intitule Difficult. En vous passant la programmation de la Rocale, je vous ai mentionné le release party de l'EP de Ptolemea vendredi prochain. Ptolemea, eh bien, c'est un groupe de rock alternatif avec comme personnage principal une chanteuse avec une voix excellente. Et allez les découvrir, hein, c'est vendredi prochain, ça se passe à la Rocale. Et puis je voudrais aussi vous mentionner cet appel à candidature pour une résidence de recherche et de création pour artistes, auteurs, danseurs ou musiciens à la Cité internationale des arts à Paris. C'est le ministère de la Culture en collaboration avec le Fonds culturel national et en partenariat avec la Cité internationale des arts à Paris qui lance cet appel à candidature pour une résidence de recherche et de création de 3 mois. Ça se passera du 2 octobre 2020 au 28 décembre 2020. Donc vous serez de retour pour le nouvel an, ou alors vous passerez le nouvel an dans la ville Lumière. Et cette s'appelle la candidature, eh bien, est destinée aux artistes de toute discipline, de nationalité luxembourgeoise ou qui résident au Luxembourg. Ce programme de résidence a pour objectif de permettre à un artiste, auteur, danseur, musicien de mener à bien un projet personnel de recherche et de création. Voilà, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au dimanche 5 avril, le lendemain donc de notre prochaine émission, l'épisode 419. Pour plus d'infos, eh bien, vous pouvez aller sur le site du Rock Lab via le site de la Rocale. Voilà, on poursuit en musique avec Tragedy Ann et un morceau intitulé Too Soon. You had just turned 4 years old when your soul sailed out and abandoned your bones. You fell from your family tree and became a second brother to me. Product of the scars you wore, what they hated in you made me love you more. Part of you knew you'd be leaving us too soon. Too soon. In our throats these days, but I know that yours won't go away. Hey, wanna come for a car ride? Go see the vet one final time. Part of you knew you'd be leaving us too soon. Too soon. Too soon. Too soon. Still no clue which one of us was the rescue. Too soon, trop tôt, trop rapidement, pourrait-on traduire. C'était interprété par Tragedy Ann. 18h10, eh bien, nous allons nous tourner vers notre bande dessinée du mois. Et cette fois-ci, c'est une bande dessinée qui s'intitule De la Vierge à Vénus. C'est pas vraiment une bande dessinée, vous allez voir. Enfin, si, c'est, ça raconte. En fait, c'est un album qui est sous-titré Regard sur la femme peinte. Cet ouvrage passe en revue l'évolution du processus de représentation de la femme, et plus particulièrement du corps de la femme dans la peinture. Laissant de côté les évocations de l'Antiquité qui se concentraient sur les divinités de la fécondation, ce récit illustré débute par la figure de la Vierge Mère, dont le corps est dérobé à la vue par le vêtement, et qui rassemble sur une même tête deux attributs a priori incompatibles, la virginité et la maternité. Progressivement, un glissement s'opère de la pureté vers la grâce, de l'innocence vers le charme de la Vierge, et la Vierge Mère va petit à petit s'effacer au profit de la Vénus désacralisée, dont le corps peut être montré et vu jusque dans sa nudité. Arrive ensuite Diane, dont le corps n'est plus innocent mais fantasmé et anticipe certaines attentes, pour déboucher sur la figure de la prostituée qui représente la femme comme un objet. En tant que telle, c'est la possession de cet objet qui est visée, et la femme n'a dès lors plus que la valeur qu'on lui reconnaît, qu'elle soit survalorisée ou au contraire complètement dévalorisée. Au final, et après l'extase représentant tout le courant érotique et libertin du XVIIIe siècle, l'idée s'impose enfin que le corps féminin, grâce à sa peau, ne fait plus qu'un et se confond avec le grain de la toile qui la représente et devient le corps même de la peinture. Cet ouvrage, eh bien, se situe donc entre la bande dessinée, l'essai, le carnet de croquis ou l'art book. Il s'agit d'un récit dessiné dont l'objet se trouve être l'un des événements fondamentaux de l'histoire des arts. À travers une investigation fouillée, agrémentée de superbes illustrations à raison de 2 par page, et qui se dévore comme une enquête policière, l'auteur-enquêteur nous fait revivre 5 siècles de l'histoire de la peinture en Occident, globalement de la Renaissance jusqu'au XXe siècle. Enrichi de textes explicatifs philosophiques, psychologiques, limites ésotériques de Jean-Marie Pontevia, spécialiste de l'art, on peut signaler qu'il a aussi analysé le cas de l'autoportrait dans la peinture, les fusains de l'auteur, à savoir Patrick Chambon, nous font revisiter les œuvres entre autres de Botticelli, Titien, le Tintoret, le Caravage, Rubens, Fragonard, Ingres, Manet, Schiele, Bacon et bien d'autres. La liste est vraiment impressionnante. Mais quoi de surprenant, puisque le corps de la femme a depuis toujours été une source inépuisable d'inspiration pour tous les artistes et pas uniquement pour les peintres. Cet ouvrage n'est en soi pas vraiment une bande dessinée, et pourtant on se prend au jeu de l'histoire qui se raconte pour nous à travers le corps féminin qu'il est toujours plaisant de regarder. C'est aussi l'évolution de notre société occidentale qui défile sous nos yeux. Même les lecteurs qui ne sont pas versés dans la peinture y trouveront de quoi satisfaire leur curiosité, leur voyeurisme ou leur dévotion selon l'approche qu'ils prendront. Voilà, cet album s'appelle donc De la Vierge à Vénus. Il se targue de vous proposer pas moins de 105 pages. Il est sorti aux Impressions Nouvelles en août 2019 et son auteur, c'est Patrick Chambon. Je vous mettrai donc la page de couverture sur notre groupe Facebook et puis vous pouvez aussi retrouver ses critiques sur notre site internet. Il faut fouiller un peu, mais ça se trouve. Il faut que je simplifie un peu tout ça. www.ilovemusic.ga. Nous poursuivons en musique avec Paul Messinger. On le connaît aussi, Paul Messinger. Il a été powerplay chez nous il y a quelques mois, mais c'était avec un autre album. Et là, on l'écoute avec un morceau intitulé War Evermore. Paul Messinger. Right to pillows, the ones with the monkeys and the their mama found a tourist and pounded down. The boot steps stampede the stairs. The soldiers grab the husband by the hairs upon his head, then slice his scalp clean. The blood splatters scarlet as he lies strewn upon the family bed. Now this is war, not merely stories of the glories of war. Don't tell me why, I don't want to hear it. No, don't ask me why. Why, why? You must dismember your neighbor to save his immortal soul. You call it spiritual. On va couper un peu Paul Messenger parce que son morceau fait 9 minutes. Je sais pas ce que j'avais quand j'ai préparé cette émission, je n'ai choisi que des morceaux qui font plus de 5-6 minutes aujourd'hui. C'est assez incroyable, heureusement qu'on en a eu quelques-uns qui étaient un peu plus petits. Il va bientôt falloir nous quitter. Avant cela, je voudrais parler du Film Festival, du Luxe Film Fest, qui a donc ouvert ses portes jeudi. Hier, moi, j'ai été voir le film Effacer l'historique. C'était assez amusant, un film de Benoît Delépine. Benoît Delépine, eh bien, vous pourrez le rencontrer. Il sera présent pour la projection du vendredi 13. Et c'est un film qui est en compétition officielle avec d'autres films. Je ne vais pas vous parler de la programmation cinématographique parce que vous pouvez la trouver sur le site du Luxe Film Fest. Je voudrais juste vous parler de 2-3 choses. C'est que cette année-ci, il y a des lunchtime shorts le 9 mars, le 11 mars et le 13 mars. Ça se passe de 12h à 13h ou 12h à 13h30. C'est des rendez-vous assez nouveaux, donc ça, je voulais le signaler. Il y a aussi une rétrospective Costa Gavras. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, même si je ne suis pas toujours d'accord avec la philosophie qu'il présente dans ses films, mais il est l'invité d'honneur aujourd'hui, enfin cette année. Et puis il y a la traditionnelle journée de l'animation le 15 mars, donc le dernier jour du festival, c'est le dernier dimanche, avec notamment à 15h30 une rencontre, les rencontres de l'animation au cours de laquelle les studios membres de la Fédération des métiers de l'animation et de l'image virtuelle présenteront quelques-uns des métiers du secteur de l'animation. Au Luxembourg, il y a aussi des expositions, donc des rencontres. La séquence Made in, Made with Luxembourg, les cartes blanches. Il y a le pavillon réalité virtuelle comme depuis quelques années. Donc voilà, faites-vous plaisir, allez au cinéma, voir eh bien, une programmation un peu différente de ce que vous avez l'occasion de voir. Toutes les infos, www.luxfilmfest.lu. Achetez un pass et comme ça vous avez accès à toutes les projections. Pour l'heure, nous on retourne sur l'album de Clara Engel, un album intitulé Where a City Once Drowned. C'est un album pour lequel elle voulait absolument une sortie physique et pas seulement une sortie numérique. Parce que eh bien, c'est une artiste qui va souvent au bout des choses et elle aime faire les choses bien. Elle voulait donc un album qui soit pressé, qui a un bel emballage avec notamment une de ses peintures comme image de couverture. Donc elle avait lancé une souscription qui a très bien marché. Elle a pu le produire cet album physiquement. Et elle dit que dans une époque où eh bien, la norme c'est de consommer de la musique en streaming, c'est eh bien sortir un album en entier dans un tout d'une façon physique, eh bien c'était un geste un peu romantique et démodé, mais elle voulait faire quelque chose pour que ses fans puissent tenir en main. Voilà, bah écoutez, j'ai pas trouvé son site à elle, mais elle a une page sur Bandcamp, elle a quelques vidéos sur YouTube, pas grand chose, mais n'hésitez pas à aller la voir. Et puis comme je vous ai dit, je vous ai mis une vidéo du morceau Métamorphosis dans notre groupe Facebook, donc n'hésitez pas, vous tapez Planet Indie dans Facebook et puis vous nous trouverez. Allez, on écoute un troisième extrait, cette fois-ci ce sera la bonne programmation. Ça s'appelle At Night They Race Through the Stars. Eh bien, elle parle notamment des chiens dont on parlait tout à l'heure qui font la course et qui courent dans les nuits étoilées. Clara Engel, Where a City Once Drone, c'est son album et c'est notre Power Play aujourd'hui dans Planet Indie. Power Play. Power Play. During the day, the dogs are chained. During the day, the dogs are chained. At night, they race through the stars. Puisqu'il n'y a que 6 morceaux sur son album, mais ce sont des morceaux qui font tous plus de 6 minutes. Donc on arrive tout doucement au bout de la programmation de ce soir. J'étais très heureux de passer ce début de soir en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. Vous retrouverez notre podcast sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Cette émission sera aussi rediffusée demain aux mêmes heures, entre 17h et 18h30. Et puis notre prochaine émission en direct, ce sera donc le 4 avril pour l'épisode numéro 419. Et puis avant de se quitter, je vais encore vous faire part de la programmation de notre partenaire, l'abbaye de Neumünster. Vendredi 13, vous pourrez voir le concert de Hidden Orchestra à 20h. Le 15, le Oléo Trio, c'est à 11h. Le 18, Catfish, un groupe de blues, ça se passera à 20h. Le 20 mars, c'est le festival Passion et Lamentation. Et puis, il y a aussi le concert de Guido de Neve, Chacon, de Bach à Biber. 21 mars, l'ensemble vocal Canto Elix vous proposera une sélection des réponses du compositeur bohémien Jan Dismas Zelenka. 22 mars, tribute to Michel Petrucciani. 25 mars, Bulatovic et Niksevich. Et enfin, le 29 mars, ce sera le gumbo de Eva Buchmann. Après, on arrivera au mois d'avril et il sera temps de regarder à ce moment-là. www.neumünster.lu si vous voulez y aller et réserver vos billets. Voilà, on se quitte avec un dernier morceau, Bobo Burns. Il est un cowboy à temps partiel, part-time cowboy. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, portez-vous bien. Et puis, à très bientôt. I don't wear a cowboy hat, don't drive a truck, don't have a gun rack. Never got into western boots, I wasn't built to wear a nudie suit. Don't be getting the wrong idea about the man that's standing here. I drive all night just to get to this bar and play for you on my beat up guitar. 'Cause I'm a part-time cowboy, I go to work on Monday. Playing my favorite song, la da da da. Yo, I like Nashville and New Orleans. I dig Austin as weird as can be. Playing Clash and some old Del Rey. I've always dreamed, 'cause I'm a part-time cowboy, I go to work on Monday. Come Friday, I got my snap shirt on, and I'll be playing my favorite song, like die, die. 'Cause I've been working the 9 to 5, but it's nights like this when I come alive. I signed my record contract today, and I'm quitting this job, and I'm on my way. I'll be a full-time cowboy, no more work on Monday. I'm up here singing your favorite song, hoping that you might sing.